Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de toute cette émission scientifique tous les jours à 14h sur France Culture et plus particulièrement sur cette semaine pour Culture Science strictement, entièrement dévolue à Albert Einstein et plus particulièrement à l'anniversaire bien sûr du centenaire de la relativité générale et non pas restreinte et comme à notre ordinaire bien sûr toujours en direct du studio numéro 1 de la maison de la radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre menu, si je puis dire, eh bien, en compagnie donc de Nathalie de Ruel, qui est physicienne, qui a enseigné à l'école polytechnique et à l'école normale la relativité en particulier. Donc, c'est une physicienne plus tournée vers la relativité que nous recevons. Elle est l'auteur d'un ouvrage récent qui s'intitule « De Pythagore à Einstein, tout est nombre ». Et évidemment, nous allons extraire ce qui fait l'objet de notre curiosité aujourd'hui, mais sans attendre, nous n'allons pas contrarier nos habitudes. La chronique animalière. Pour cette pénultième chronique animalière de l'année, je retiens le narval. Le narval. Monodon, monocéros, de son nom de science. Celui, mâle, avec cette espèce de dent extrêmement prolongée. Après avoir nourri l'un des mythes les plus célèbres, celui de la licorne, le rostre du narval continue bien sûr d'étonner les scientifiques. À quoi peut donc bien servir la longue dent spiralée de ce mammifère marin? Sans apporter de réponse vraiment définitive, des scientifiques ont donné un tout nouvel éclairage sur cet appendice. Contrairement aux apparences, ce rostre est très très sensible. Les chercheurs ont découvert que dans la dent du narval était très richement innervée. En étudiant le rostre au microscope électronique, ces mêmes chercheurs ont observé que des millions de connexions nerveuses partent du cœur de la dent vers l'extérieur. Et plus curieux encore, les petits canaux reliés aux nerfs et à la pulpe sont ouverts à la surface de la dent. Ce rostre est donc comme une membrane avec une surface très sensible. Il n'existe pas dans la nature de dents comparables par la taille et par la fonction, estime un spécialiste de la dentition et des biomatériaux de la Harvard Medical School. Celui-ci s'étonne qu'un animal vivant dans un environnement glacé ait développé une dent aussi sensible. Reste à explorer les fonctions de cette dent qui mesure jusqu'à 3 mètres de long, apanage quasi exclusif des mâles. On estimait jusqu'à présent que le rostre pouvait servir à chercher de la nourriture, à courtiser les femelles, à asseoir un statut de dominant se battant avec d'autres mâles, voire d'instrument pour briser la glace. Certaines de ces explications tombent à l'eau, d'autres demeurent valables. Comment maintenant connaître la sensibilité du rostre? Certains comportements des narvals s'interprètent différemment. Il arrive ainsi fréquemment que deux narvals, par exemple, donc deux mâles, frottent leur rostre l'un contre l'autre. Alors, est-ce une manière de se mesurer entre mâles, de se lancer un défi, ou plus prosaïquement, une façon de débarrasser cette dent du calcaire ou des coquillages qui s'y incrustent? Donc on voit en tout cas que cette dent qu'on croyait insensible et comme un pieu d'attaque, eh bien, est tout à fait différente. C'est un organe extraordinairement sensible, et sensible en particulier à l'environnement. Bref, le narval est un animal qu'on peut considérer comme beaucoup plus mystérieux que la licorne. Bonjour Nathalie de Ruelle. Bonjour. Alors le livre donc de Pythagore Einstein, Tout est nombre, on peut peut-être dire la raison, en tout cas de l'organisation de cet ouvrage, puisque on va nous prendre les parties qui nous intéressent, de façon tout à fait pas arbitraire, bien évidemment, mais en tout cas celles qui illustrent notre thématique de cette semaine, où on rend hommage à l'anniversaire, au centenaire de 1915, le moment où est établi. 1915, c'est drôle parce que c'est un chiffre impair, c'est le 5. Et ça sonne un petit peu dans la chronologie avec 1905, l'année miracle, où il écrivit, ce cher Albert Einstein, ses articles 4 plus 1 qui ont bouleversé l'intégralité de la physique, dont celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la relativité. Alors, peut-être d'un mot, pourquoi ce titre, Nathalie de Ruelle, je peux peut-être vous lancer par vous proposer une sorte de, comment dire, d'aphorisme que vous mobilisez, et qui est le suivant. Définition de la physique, écrivez-vous. Ce sont des maths extraites de phénomènes qui, en retour, forge une nouvelle réalité. Des maths extraites de phénomènes qui, en retour, forge une nouvelle réalité. C'est une sorte de platonicienne en mathématiques, en physique, pardon. Je ne sais pas trop comment caractériser ce fil conducteur qui, effectivement, est celui qui m'a guidé tout au long de ce livre. C'est effectivement ce que j'ai voulu illustrer, à savoir que la physique, à mon sens, mais au sens de nombreux physiciens, y compris Einstein qui sera au centre de nos propos, oui. La physique, c'est vraiment aller chercher dans cette forêt des phénomènes qui nous entourent, qui est un peu inextricable, dans laquelle on cherche notre chemin, de chercher un chemin mathématique et de voir cette chose fabuleuse d'une correspondance qui est vérifiée ensuite par des expériences entre ce monde abstrait mais réel des mathématiques, cet univers à part, et certains phénomènes que l'on trouve dans cette forêt qui nous entoure. Donc on extrait ces mathématiques des phénomènes, ou plutôt on cherche une correspondance entre certains phénomènes et certains aspects de l'univers des mathématiques. On construit des théories, on fait parler ces théories, on les vérifie par des expériences qui sont pas vraiment des phénomènes, mais des phénomènes construits. Et petit à petit, on forge une vision du monde. Et pour illustrer cela, j'ai voulu commencer par les Grecs, parce que ça permettait, les Grecs étant 2500 ans avant nous, ça permettait d'avoir un certain recul pour mieux comprendre à quel point les mathématiques, à l'époque c'était les mathématiques des Grecs, d'Euclide, avait forgé une vision de l'univers qui n'est plus la nôtre. C'était un monde clos, un monde où les planètes étaient les sphères d'Euclide, des objets mathématiques, et que les gens percevaient vraiment comme une réalité dite physique. Les sphères étaient des vraies sphères dans leur esprit, et tout cela a volé en éclats, c'est ce que j'ai voulu décrire un peu. Et quand ces visions du monde volent en éclats, c'est très souvent parce que la correspondance, et même toujours, parce que la correspondance entre le monde des mathématiques et le monde des phénomènes change. Et la dernière vision, celle qui a maintenant 100 ans, c'est la nouvelle vision du cosmos, celle d'Einstein qui a démarré en novembre 1915. Donc effectivement, on voit cette continuité qui reste d'ailleurs donc votre position, hein, c'est bien évidemment, c'est-à-dire que des mathématiques qui permettent d'élucider un certain nombre de phénomènes qui sont insérés eux-mêmes dans une théorie, et qui, donc, là, vont faire rebondir en plus, puisqu'une fois un résultat trouvé, ça va lancer une nouvelle question, il faudra attendre, et c'est cette espèce de mouvement qui correspondrait à une espèce de valse, un mouvement très très compliqué, elle n'est pas seulement à trois temps, on pourrait dire qu'elle est, enfin bref, arrêtons là l'analogie, mais... Alors, ce que je vous propose, avant d'aborder, puisque nous commencerons par Galilée, mais évidemment, tous vos débuts montrent que cette mathématisation de la nature commence quand on observe le ciel avec les grands astronomes de l'Antiquité, qui savaient très très bien calculer un certain nombre de phénomènes astronomiques subtils. Partir de cette citation simplement pour lui donner corps, parce que après nous allons être dans la physique et nous allons être évidemment abstraits. Je l'ai choisie parce que elle est peu connue et elle donne corps d'une certaine façon à Albert Einstein, qui écrit donc, c'est en 1930, la chose suivante. Mon intérêt pour la justice sociale et la responsabilité sociale s'opposera toujours curieusement à mon aptitude marquée pour tout désir d'association directe avec les hommes et les femmes. Je suis un cheval pour le harnais individuel, nullement taillé pour le tandem ou l'attelage. Je n'ai jamais appartenu de tout cœur à aucun pays, ni à aucun état, ni à mes amis, ni même à ma propre famille. Ces liens s'accompagnèrent toujours d'un vague éloignement, et l'envie de me retirer en moi-même, même s'est accrue avec les années, ce mouvement. Un tel isolement est parfois amer. Mais je ne regrette pas d'être coupé de la compréhension et de la sympathie des autres. J'y perds quelque chose à coup sûr, mais en revanche, je me libère des coutumes, des opinions, des préjugés d'autrui, et ne suis point tenté de fonder ma sérénité d'esprit sur de si mouvantes assises. Étonnant, hein ? Oui, il a écrit cela en 1930, vous disiez. Oui. À Princeton, donc. Oui, il était... Je ne pense pas qu'il n'était pas encore arrivé à Princeton. Lieu que vous avez bien sûr fréquenté. Enfin, je dis bien sûr que vous avez aussi oui, fréquenté. J'ai été étudiante. Oui, c'est un peu étonnant. Je ne connais pas tellement le détail de la vie privée d'Einstein. J'ai simplement lu les biographies que tout le monde dans mon milieu a lues. Mais cette figure d'Einstein géant solitaire doit peut-être quand même être un peu corrigée, parce que Einstein était dans la physique de son temps, il n'était pas du tout sur une voie parallèle qui aurait convaincu les autres. Il a commencé sa carrière en étudiant très en détail la théorie de l'électromagnétisme, qui était la grande théorie de Maxwell, qui était en train d'être bien comprise dans sa jeunesse. Et il est parti sur les épaules de ces géants-là. Oui, c'est vrai, selon la formule, oui. Il est monté sur les épaules de ces géants qui l'ont précédé, en particulier Maxwell, et en remontant Newton, et en remontant encore, il faudrait rajouter beaucoup de noms. Et en commençant par Galilée. Bien sûr. Petite interprétation un peu différente, en tout cas, moi, que j'y mettrais, c'est que il y a une espèce de naïveté de l'enfant, comme que on le connaît amateur d'expérience de pensée. Je le vois mobiliser, alors, ce qu'on pourrait appeler la libido cognoscendi, c'est-à-dire cette espèce d'appétence à comprendre à voir quand il s'imagine à cheval sur un rayon lumineux pour savoir à quoi ressemblerait le spectacle du monde. Donc je le vois comme un enfant et toujours avec une formidable qualité d'abstraction et voulant comprendre. Et je pense pas, parce que toutes les marques d'un personnage sympathique, d'un personnage tout à fait mobilisé par les événements sociaux. C'est un pacifiste, c'est quelqu'un qui va essayer d'être tout le temps dans la voie de ceux qui sont pacifistes, qui sont attentifs. Il y a une photo qu'on va essayer de mettre sur le site qui le montre avec une coiffure de chef indien prise donc de ce sont des indiens Hopi, et là il y a une espèce de bonhomie, il s'amuse, il a le calumet Einstein fumant le calumet de la paix avec les indiens Hopi. Je trouve que c'est ça, mais quand on lui a proposé de devenir le président du nouvel État d'Israël, après que ce soit un chimiste qui avait été nommé comme premier président de ce nouvel État, ça l'a fait rire. Parce que c'était vraiment pas son monde. C'était... Je ne sais pas s'il a fait rire, mais il a décliné. Oui, il a décliné fortement, mais je crois que ça l'a amusé quand même, hein, parce que il devait pas se sentir... en tout cas, il connaissait ses conséquences. Allez, disons les choses comme ça. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors, on abandonne maintenant les petits exercices, le petit exercice de psychologie intime du grand Albert, et on arrive tout de suite à un malicieux, insolent, qui ressemble d'ailleurs par beaucoup de côtés, il s'agit bien sûr de Galilée, qui ressemble en tout cas dans son insolence, dans la joute et dans la moquerie, ce qui est une spécialité italienne de l'époque, hein, donc j'en viens à Galilée, mais qui ressemble beaucoup à Giordano Bruno, qui avait la même insolence dans la disputatio et qui se moquait à Oxford. Le dit Bruno d'ailleurs, qui avait déjà en main pour partie le principe de relativité galiléenne, puisque dans un de ses essais, on voit un petit bateau, et il explique que, et ça ressemble beaucoup à ce que va signaler et faire comprendre Galilée. Alors ce que je vous propose, c'est évidemment pour notre point de mire, ça va être la relativité générale, mais je vous propose, Nathalie de Ruelle, de commencer par ce mouvement comme nul. Mais peut-être que vous avez une autre envie pour démarrer les choses. D'abord, je voudrais rebondir un tout petit peu sur Giordano Bruno que vous avez cité. C'est vrai que à cette époque de d'effervescence de l'époque de Galilée, Giordano Bruno avait eu quelques intuitions fulgurantes. Mais s'il est resté célèbre, Giordano Bruno, c'est surtout à cause de ses démêlés avec l'Église qui lui ont coûté la vie. Oui, brûlé. Oui. Piazza... Campo dei Fiori à Florence, en 1600. Avec une belle statue à Rome d'ailleurs. Oui, mais la grande différence entre Giordano Bruno et Galilée d'un point de vue scientifique, c'est là-dessus que j'aimerais commencer en parlant de Galilée, c'est que Galilée, pour reprendre le fil directeur que vous mentionnez tout à l'heure, est celui qui a introduit les mathématiques dans le monde sublunaire, sur notre Terre. Giordano Bruno n'utilisait absolument pas de mathématiques. Donc Galilée a plusieurs facettes. Et dans un premier temps, j'aimerais le présenter comme un ingénieur. Galilée a commencé sa carrière comme un ingénieur. Et les ingénieurs de son époque étaient quasiment les seules personnes qui utilisaient des mathématiques pour faire leurs machines. Les péripatéticiens suivaient, eux, la physique d'Aristote pour décrire la nature, avec la logique du langage, mais pas la logique des mathématiques. Et grâce à ses talents d'ingénieur, on sait qu'il a perfectionné la fameuse lunette, qu'il a tournée vers les astres. Et la deuxième facette de Galilée, c'est Galilée astronome. Et en regardant les astres, il a découvert des choses fabuleuses, magnifiques. Il a passé des nuits et des nuits à admirer le ciel. Il a vu que les taches de la Lune, c'était des montagnes et des cratères. Il a vu les taches du Soleil, il a découvert les satellites. Et surtout, il a découvert les phases de Vénus, similaires aux phases de la Lune, et qui étaient la preuve que la Vénus tournait autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Et ça, c'est donc Galilée astronome, ou plutôt astrophysicien. Il est à mes yeux le premier astrophysicien de l'histoire, parce qu'en voyant que ces sphères, la Lune, les planètes, n'étaient pas ces sphères idéales, mathématiques, des Grecs de l'Antiquité, il s'est posé la question, mais ces astres-là ressemblent à notre Terre. C'est la même chose que notre Terre. Donc il faut appréhender soit les astres comme notre Terre, et donc les expliquer comme Aristote le faisait sans les mathématiques, ou plutôt à l'inverse, et c'est ça l'apport majeur de Galilée à mon avis, il faut plutôt utiliser les mathématiques pour comprendre la Terre aussi. Donc importer cette géométrie d'Euclide, qui avait fait des merveilles dans la compréhension de l'astronomie grecque, importer cette géométrie d'Euclide, ces mathématiques, dans le monde sublunaire, pour comprendre maintenant la nature, trouver le filigrane de la nature, les mathématiques de la nature sur Terre. Oui. Et c'est ça l'énorme importance de son expérience dont on parle au lycée, les boules qui tombent de la tour de Pise, même s'il n'a pas fait l'expérience directement, c'est-à-dire la loi de la chute des corps. Ces plans inclinés, où il a vraiment mathématisé ce mouvement, il a vu que le mouvement était ce qu'on appelle maintenant accéléré, c'est-à-dire que les distances croissaient comme le carré des temps. C'est ça, oui. Voilà la première malice. Et ça, c'est absolument capital. C'est la première fois qu'on trouvait une loi mathématique précise, vérifiable expérimentalement dans le monde sublunaire. Si je peux me permettre, juste pour résumer d'une certaine façon et qui est déjà mettre comme une petite pierre d'attente, on va voir d'une certaine façon Einstein dans la même position, puisqu'il y a deux choses que des faits pour devenir cet astrophysicien que, comme vous le décrivez, Nathalie de Ruelle. D'abord, c'est ce monde sublunaire, c'est un monde qui est dévolu à la génération, c'est-à-dire à la naissance-croissance et à la dégénérescence, donc. Alors que, évidemment, la sphère des fixes, c'est formée d'une matière particulière, c'est la quintessence, tout est absolument lisse, et c'est une matière que l'on ne connaît pas. Et donc, il détruit, simplement en disant, mais non, c'est d'abord, il n'y a pas cette espèce cette rotondité lisse, moi j'y vois des vallées, il a été très très contredit, hein. On a discuté même l'observation visuelle, indépendamment du reste, il est copernicien aussi, on peut le dire, hein, parce qu'il va contrarier là ceux qui ne sont pas héliocentristes. Et il va, dans un deuxième temps aussi, faire la deuxième partie de ce que vous appelez l'astrophysicien, c'est qu'il va mathématiser sur Terre. Il va mathématiser sur Terre, c'est-à-dire que il va donc faire une sorte de deuxième rupture fondamentale, définitive, c'est qu'on va mathématiser ce monde dit sublunaire, et il est exactement comme le monde supralunaire, et on va le traiter de la même façon. Voilà, je pense que c'est ça, à mes yeux, la vraie révolution de Galilée. Oui. Et donc, pour arriver au principe de relativité qui va nous occuper, évidemment. Prenons le bateau de Venise à Alep, allez. Oui, bien sûr. On peut aussi commencer par le fait que quand il faisait glisser, rouler ses billes le long de plans inclinés pour vérifier sa loi dont on parlait tout à l'heure, il s'apercevait que quand elles arrivaient sur le plancher de son atelier, elles continuaient, mais avec un mouvement uniforme, c'est-à-dire une vitesse constante, et non plus une vitesse qui augmentait avec le temps, comme lorsqu'elle dégoulinait le long du plan incliné. Et donc, c'est une première observation qui va être l'embryon de ce qu'on va appeler ensuite, plus tard, le principe d'inertie, mais pour l'heure, c'était simplement une observation. Et une autre observation, c'est celle dont vous parlez, le bateau qui va de Venise à Alep. Moi, je préfère une autre image, c'est qu'il allait souvent de Padoue à Venise. D'accord. En utilisant un canal. Et un bateau qui existe encore, qui s'appelle le Burchiello, qui était un bateau de passagers, donc sur un canal, l'eau parfaitement lisse. Et il s'était rendu compte, plus exactement, il avait vu l'importance d'un fait que tout le monde avait observé avant lui, sans y penser beaucoup, à savoir que dans ce Burchiello, dans ce bateau, cette barge, eh bien, on pouvait faire toutes les expériences à l'intérieur de ce vaisseau, sans pouvoir aucunement dire si le vaisseau était à l'arrêt ou en mouvement, non, en mouvement uniforme. Par rapport à la rive. Oui. En mouvement uniforme, comme ces petites billes oui. qu'il avait vu rouler sur son plancher. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, je vous ôte peut-être le mot de la bouche, il moto est comme nulo, le mouvement est comme rien. Oui. Hein? On ne peut pas, à l'intérieur d'un ce qu'on appelle maintenant un référentiel, une barge, en mouvement uniforme, on ne peut pas savoir s'il est en mouvement ou pas. C'est ce qu'on appellera plus tard, mais il a fallu attendre Poincaré pour employer ce mot-là, je crois, Poincaré, le mot de principe de relativité. Oui, c'est ça, je crois que c'est dans votre livre, vous dites que c'est lui qui... Enfin, le principe lui-même, l'idée elle-même remonte bien sûr à Galilée. Donc ce qu'on retient, c'est que si par exemple, celui qui est à l'intérieur de votre barge n'a pas d'accès visible, enfin de trou qui lui permette de voir un quai, de voir un spectacle, de la nature, ou dans le brouillard, vous citez le brouillard, il ne sait pas s'il avance. Non. Et en tout cas, toutes les lois, on verra après, mais toutes les lois habituelles de la physique fonctionnent parfaitement. Tout le monde volette, puisque c'est en tout cas lui, il utilise ce vaisseau. Et si on laisse tomber une pierre du haut du mât, elle va tomber au pied du mât. Voilà, exactement. C'est dans le référentiel, bateau, ça tombe au pied du mât. Alors que quand on pose la question, et on voit là l'entrée du contre-intuitif absolu, énormément de gens répondent, ça va tomber derrière le mât. Parce que, évidemment, ils n'ont pas cette idée très abstraite et contre-intuitive que ce bateau va son pas et que les choses s'y passent à l'ordinaire. Oui. Mais si l'expérience a été faite dans le port de Marseille, je suis moi cette fois maintenant l'observateur extérieur à cette chose. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui, d'un bateau en mouvement devant moi, lâche une pierre du haut du mât, eh bien il va voir une courbe. Il va voir donc une trajectoire qui sera parabolique. C'est ça. Il va voir une parabole et cette parabole a été mathématisée par Galilée dans son traité, son dernier traité de 38, 1638. Est-ce qu'on peut dire là que on a déjà dans ce terme de relativité, donc évidemment quelque chose qui est très important, c'est en tout cas le rôle de l'observateur aussi, mettons ça, parce que là on voit très bien que les choses se passent tout à fait différemment du point de vue de certains observateurs. Oui, mais enfin, ça, ce n'est pas si choquant que ça, que la description d'un phénomène dépend du point de vue. Oui, bien sûr. Mais la loi qui est derrière est la même. Oui, c'est ça. Donc, on a bien vu, en tout cas, conservons l'idée de relativité comme ce mouvement comme nul, et conservons donc cette loi d'inertie. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, en hâtant le pas, malheureusement, c'est passer tout de suite à Newton, puisque maintenant on a cette chose en main, ne conserver parmi le grand édifice, donc, qu'un certain nombre de points. Évidemment, il y a les trois lois, mais ce qui est absolument essentiel pour notre propos, en tout cas aujourd'hui, Nathalie de Ruel, c'est que Newton va établir toute sa théorie de la gravitation, en fait toute la mécanique classique, avec deux postulats, on va dire, ou en tout cas deux éléments absolument essentiels, c'est que le temps et l'espace sont des absolus. Le temps, c'est quelque chose par lequel on mesure les instants, les durées, et l'espace, c'est où se produisent et où on mesure les distances. Tout à fait. J'espère pouvoir mentionner un tout petit peu Descartes entre oui. Galilée et Newton, parce que une notion qui s'est développée à cette époque-là, c'est la notion d'espace. Pour un mathématicien, un espace, c'est un ensemble d'éléments, c'est tout. Et pour distinguer ces éléments, on peut leur associer des nombres, ces éléments, on peut les appeler des points. Et donc, c'est un ensemble d'éléments repérés par des points qu'on va appeler les coordonnées. Donc, Descartes utilise cette notion-là, il la crée même, pour dire que les planètes dans le système solaire ou les objets sur notre table, ici, vont être repérés par des nombres qui disent où ils sont. Et l'espace, ça va être l'ensemble de ces nombres, donc ces mathématiques, mais qui vont s'incarner dans la réalité physique. Alors, il s'est tout de suite posé un problème, c'est qu'il y a quantité de points dans l'espace intersidéral qui ne sont pas matérialisés. Il n'y a rien. Donc, on a introduit cette notion, ce serpent de mer qui a été l'éther, oui. Mais qui n'est pas une notion mathématique. Un mathématicien ne vous parlera jamais d'éther. Mais c'est quand on matérialise ces points d'un espace mathématique et que certains clignotent, ce sont les étoiles qui clignotent, il y en a quantité d'autres qu'on ne voit pas, donc on avait appelé ça l'éther. Oui. Alors, donc dans cet espace matérialisé par quelques points lumineux, la question se posait, est-ce que cet espace existe toujours quand il n'y a plus rien, plus de soleil, plus de points lumineux ? Et Newton répond oui à cette question. C'est ce qu'il appelle l'espace absolu, qui devient un espèce de cadre préétabli qui existe même en l'absence d'étoiles et d'objets que l'on repère dans ce cadre préexistant. On peut dire que c'est comme une espèce d'idéalité qui est le grand réservoir. Qu'on matérialise, voilà. À laquelle on donne une réalité physique concrète. Alors un petit mot sur l'éther, mais rapide aussi. Donc maintenant on va jouer aussi avec l'éther. En particulier, il peut être utilisé parce que dans la loi de la gravitation, on ne comprend pas qu'il y ait des choses qui se passent instantanément. Et pourtant, Newton dit bien qu'il ne mobilise aucune hypothèse. Hein, il regarde. Hein. Et instantané, ça veut dire quoi? Et puis il faut bien un milieu. Alors c'est plus facile à comprendre quand on a un milieu. Alors c'est tout à fait vrai. Oui. On va voir que cet éther va perdurer et qu'il va être encore dans les travaux. On va devoir presser le pas malheureusement oui, parce oui. que le temps avance. Mais on va le voir encore, évidemment, au milieu du paysage de la physique. autant de Poincaré encore, qui auraient pu, mais là, ça nous amènerait à trop de détails, découvrir la relativité restreinte. Il avait tout en main, il ne l'a pas fait. Justement, on verra sur quel point. Est-ce qu'on peut rapidement, là encore, on va à la hache, hein, pour arriver, pour essayer de décrire et de retenir ce qui va être ce monument qui est la relativité générale. Est-ce qu'on peut dire un mot avant que nous ayons notre petite pause musicale, Nathalie de Ruelle, est-ce qu'on peut dire un mot abruptement, là encore, sur un autre monument qui est la première unification de deux forces physiques qui sont l'électricité et le magnétisme qui étaient disjointes jusque-là, et à travers les expériences de Faraday arrive un Écossais qui va là être l'Einstein de l'affaire, si l'on peut dire, et va dans une série d'équations réunir ces deux forces en une seule, qui est l'électromagnétisme, et qui va avoir une importance absolument fondamentale dans les propos dans la suite de notre propos dans l'organisation et la compréhension et l'élaboration de la relativité restreinte. Oui, donc vous parlez de Maxwell, qui arrive après toute une longue période de maturation que vous avez résumée, et qui écrit un jeu d'équations, de mathématiques. Et il s'est aperçu qu'on pouvait combiner des objets mathématiques qui avaient une relativité physique différente au début, des champs électriques et des champs magnétiques. Il dit que l'un peut se transmuter en l'autre, et surtout, et c'est ça un point capital, en regardant ces équations, en les faisant parler, il s'aperçoit que cette combinaison de champs électriques et magnétiques peuvent se propager dans l'éther ou dans la matière, dans l'espace, à une vitesse qui, numériquement, est celle de la lumière. Et ça, c'est extraordinaire de voir que sortent des équations une unification encore plus forte, à savoir que la lumière, qui était un objet qui avait toujours été mystérieux depuis les Grecs... Est-ce une onde, est-ce une particule, ainsi de suite? Oui, devient un champ électromagnétique qui se propage à la vitesse dite petit c, oui. 300 000 km par seconde. Seconde, oui. Et à ce moment-là, la théorie de Maxwell, qui jusqu'à présent se passait en laboratoire, remplit l'univers, parce que la lumière vient des étoiles. Ça veut donc dire que cette théorie de Maxwell, ces champs électromagnétiques, c'était pas uniquement dans les laboratoires de Faraday qu'elle opérait, mais à l'échelle même de l'univers. Et donc que ces lois de Maxwell deviennent universelles. Et la question devient, mais est-ce que ces lois valent dans les laboratoires ? Dans l'univers, or la Terre bouge à 30 km par seconde par rapport à ce milieu-là. Donc est-ce que... Sur son orbite, hein, pas sur elle-même. Sur son orbite, oui. Autour du Soleil. Donc la question était de savoir si ces lois de Maxwell permettraient de détecter le mouvement de la Terre. La Terre étant comme la barge de Galilée, on fait des expériences à l'intérieur de la barge, d'électromagnétisme. Est-ce qu'elles vont permettre de détecter la vitesse de la Terre ? Galilée aurait tout de suite dit, mais non, bien sûr, je vous ai dit que toute expérience à l'intérieur de la barge ne permet pas de voir le mouvement de la barge. Et c'est là-dessus que des gens comme Maxwell, Lorentz, Poincaré et enfin Einstein se sont réunis, ont combiné leurs forces pour résoudre cette question et donner raison à Galilée. Alors, est-ce qu'on peut retenir, et ça, votre réponse sera oui ou non, l'idée qu'on a en main une constante qui s'écrit petit c, qui est la vitesse de la lumière, qui est absolument indépendante de la vitesse de l'objet qui l'émet, et donc qui va être un des cadres absolus. Voilà, une vitesse qui est indépendante de l'objet qui l'émet et de l'observateur qui la réceptionne. Qui la réceptionne. Thank you. franchis dans un espace courbe, mais qui nous paraît plat ici, dans notre situation, toujours en compagnie de Nathalie Deruel, de l'explicitation ou la mobilisation de son bel ouvrage de Pythagore à Einstein, tout est non, à la suite de cette affirmation, donc, et en continuant à presser le pas, parce que pour asseoir cette relativité générale, il va bien évidemment qu'on passe, et là, de façon là encore très brutale, à quelques considérations concernant la relativité restreinte. Alors je vous lance simplement en vous disant que le coup de force, c'est que il part, lui, de la constante de la vitesse de la lumière. Ça, c'est quelque chose qu'il pose comme un postulat, bien évidemment. Et d'une certaine manière, puisque ce mot d'éther, vous le soulignez, n'apparaît qu'une fois, il s'en fout. Pour lui, l'éther n'existe pas. Il n'y a absolument, c'est pas la peine de faire comme Michelson et Morlaix, des expériences très très fines et très subtiles pour savoir s'il y aurait un référentiel immobile qui permettrait de mesurer cette vitesse de la lumière. Non, on s'en moque. Le temps et l'espace, d'un seul coup, ne sont plus absolus. Exactement. Ceci dit, les expériences de Michelson-Morlaix ont été très utiles. Les expériences sont toujours utiles. Allons à l'essentiel. Le point important, c'est que ce que vous avez dit, c'est que la vitesse de la lumière doit être la même qu'on la mesure de la barge ou qu'on la mesure de la rive. Et ça signifie que les vitesses ne s'additionnent plus comme on le faisait depuis l'aube des temps. Oui. Que si je suis un rayon de lumière et que je vais à la vitesse petit c dans mon train, eh bien, on ne mesurera pas la vitesse petit c plus la vitesse du train du quai. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Oui. Et répétons rapidement. Hein. C'est quelqu'un qui court ou qui va à la vitesse de la lumière, mais comme il faut rajouter la vitesse du déplacement du train, ce qui est l'addition des vitesses, l'additivité des vitesses, ça interdit, impossible, il y a une limite infranchissable, donc l'additivité des vitesses au sens de Galilée et de Newton, il faut changer quelque chose. Donc Einstein réfléchit ça dans son article de 1905, oui, où il renverse toute la vapeur et le considère les choses de beaucoup plus haut que Lorentz et Poincaré, et il réfléchit à la façon dont on mesure les vitesses. Et il s'aperçoit que pour mesurer des vitesses, il faut mesurer des distances, mais aussi des temps. Et il s'aperçoit que pour réconcilier tout, et en particulier la constance de la vitesse de la lumière, il faut supposer que le temps à la montre de la barge ne s'écoule pas de la même façon que le temps sur la rive. Contrairement à ce que Newton et Kant et tout le monde pensaient jusqu'alors. Dans les équations, c'est des choses qui avaient déjà été un peu vues par Lorentz et Poincaré, mais Einstein met ça en pleine lumière. Et donc, il touche à la notion de temps. Maintenant, le temps devient relatif, d'où le mot relativité. Ce qui compte, c'est le temps à la montre de chaque personne. Et il n'y a plus de grand horloger, de grande horloge qui ferait tic-tac quelque part dans l'univers. Ça n'a plus aucun sens de parler de ça. La seule chose qui compte, c'est le temps de chaque observateur, de chaque particule. Et le temps s'écoule différemment en fonction de son mouvement. Chacun a son temps propre. Évidemment, c'est illustré. Alors, c'est tout à fait étonnant, son temps propre. On a le sentiment que toutes les pendules battent le même pas. Et bien évidemment. Or, partant, et ça, c'est une, donc, en tout cas, c'est une relation avec sa vitesse propre que la considération du battement des pendules va jouer. Ainsi, les deux jumeaux, l'un reste sur Terre, l'autre part dans une fusée, donc va s'approcher par accélération de cette vitesse de la lumière. Donc, évidemment, là, le temps va si on les compare l'un à l'autre, le temps va se figer. Et ma foi, une fois son périple de fait, le premier jumeau qui est parti dans l'espace retrouve son frère beaucoup plus âgé. Pourquoi ? Parce que son horloge a battu beaucoup plus lentement que celle de son frère jumeau resté sur le référentiel de la Terre. Sur le référentiel inertiel de la Terre, le jumeau ayant voyagé, ayant été accéléré à un moment donné. C'est ça. Donc ce n'est pas un paradoxe, c'est un fait qui est observé tous les jours en laboratoire. Et qui est utilisé, par exemple, dans les satellites. Les horloges ne battent pas dans les satellites de la même façon que sur Terre. C'est ça. Donc on voit qu'il peut y avoir des dilatations du temps et de l'espace. Parce que maintenant, on va tout le temps réfléchir. C'est le deuxième coup de force. C'est que il n'y a plus d'un côté le temps et l'espace, mais il y a de l'espace-temps. Oui. Qui est formé comme d'un tissu des trois dimensions d'espace et d'une dimension de temps. Et que tout ça, eh bien, peut gonfler, se réduire. Enfin, oui et non. Allez, corrigez, parce que c'est toujours difficile. La notion d'espace-temps, évidemment, n'est pas très intuitive. Non. Mais pensons aux mathématiciens. Fermons les yeux. Allez, on voit quelque chose de tout noir, oui. Avec des petits points lumineux qui sont nos événements, nos planètes, etc. On donne quatre coordonnées, les positions et le temps de l'horloge, d'une horloge quelconque. Et ça, en fermant les yeux, on peut très bien imaginer quatre axes. On peut en imaginer 10 ou 26 d'ailleurs. Oui. C'était la pure imagination. Donc ce qu'avait vu Minkowski en 1908, un petit peu après Einstein, ce qu'avait déjà d'ailleurs intuité Henri Poincaré, c'est qu'on pouvait écrire les équations de la relativité restreinte et les équations de Maxwell dont on parlait tout à l'heure, dans le cadre de cet objet mathématique espace-temps. Et ça les rendait beaucoup plus compacts et surtout beaucoup plus faciles à étudier, pour étudier leur structure. Donc l'espace-temps, c'est surtout un objet mathématique. C'est le cadre dans lequel on écrit des équations. Ce qu'on n'a pas fait après 110 ans, parce que c'est peut-être très difficile, c'est que l'humanité n'a pas encore vraiment réussi à en faire une réalité physique, à l'incarner comme dans d'autres temps, 2000 ans plus tôt, on avait pu incarner l'espace d'Euclide, à l'éther ou des notions comme cela. Ça reste pour l'instant encore une notion un peu mathématique, la notion d'espace-temps. Bien sûr, parce qu'elle ne trouve aucune correspondance dans le sens commun. Un jour, elle le trouvera. Il suffit mathématiques forgent vraiment notre nouvelle vision de l'univers. Oui, c'est comme ceux qui font de la mécanique quantique alors que nous, on n'y comprend rien. Et eux, ils sont tout à fait des quantiers, hein, on va dire comme ça, comme il y a des plombiers. Donc, ils sont tout à fait bien dans un monde où il y a ces objets très étranges. Alors, malheureusement, il faut presser le pas, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut considérer qu'est-ce qu'on peut considérer comme important et limitant dans la relativité restreinte qui va conduire donc Albert Einstein à vouloir l'étendre. Petite considération, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je vous lance avec celle-ci, Nathalie de Ruelle, c'est que dans la relativité restreinte, l'espace est plat. On est encore dans un univers euclidien. Et là, d'un seul coup, Einstein va avoir des besoins d'espace qui ne correspond pas à cet espace à trois dimensions habituel. Et il va être obligé, par l'intermédiaire de son ami Grossman, de se former à ces nouvelles géométries qui sont les géométries non euclidiennes. Voilà, je vous laisse la suite. Einstein, en 1905, avait donc rétabli Galilée dans sa splendeur, comme quoi les mouvements uniformes relatifs étaient comme rien. Fort de ce succès, il s'est demandé si on ne pouvait pas faire comme si le mouvement n'était comme rien, même lorsqu'on est dans un manège en rotation, même si on est accéléré. Grâce à l'introduction de cet espace-temps de Minkowski, c'est pour ça que j'ai voulu le mentionner, il s'est aperçu en regardant les équations que l'on pouvait en fait intégrer ces forces que l'on ressent quand on est dans un repère, un manège en rotation, qu'on appelait des forces d'inertie, qu'en fait, d'un point de vue mathématique, on pouvait les intégrer dans la géométrie de cet espace-temps. Et par conséquent, l'inertie, c'était de la géométrie. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il s'est dit, mais si j'arrive à géométriser ces forces d'inertie dues au mouvement accéléré de mes repères, de mes référentiels, est-ce que je ne pourrais pas géométriser toutes les forces ? C'était ça son ambition. Et il y en a une qu'il est arrivé à géométriser, les autres résistent encore, c'est la gravitation. Et c'est parce qu'il s'est aperçu que la gravitation et l'inertie, c'était un peu la même chose que lorsque l'on est dans un ascenseur en chute libre. Je vois venir le principe d'équivalence. C'est exactement ça. Lorsque l'on est dans un ascenseur en chute libre, l'ascenseur n'est pas en mouvement uniforme, il est accéléré, il tombe de la tour de Pise. Comme l'avait vu Galilée, mais à l'intérieur de cet ascenseur en chute libre, mon marteau et ma pomme vont être immobiles l'un par rapport à l'autre. la force de gravité a été effacée. Et donc, elle est effacée, donc elle n'existe plus, il n'y a plus de force. On l'a éliminée. Donc ça, c'est inertie égale gravitation. Et comme inertie, c'était géométrie, l'idée pour boucler la boucle, c'était se dire, mais inertie, ça doit être, la gravitation doit être de la géométrie. Mais ça ne pouvait pas être la géométrie ordinaire plate, parce que si vous êtes dans votre ascenseur qui tombe en chute libre, votre pomme et votre marteau, petit à petit, vont se rapprocher très très lentement l'un de l'autre, parce que vous êtes dans le champ de la Terre qui converge vers le centre de la Terre. Et c'est à ce point de ses réflexions, en 1911-12, quand il était à Prague, qu'il s'est dit que la géométrie d'Euclide n'était peut-être pas suffisante pour géométriser la gravitation. Il a dû faire appel à son ami Marcel Grossmann, que vous mentionnez tout à l'heure. Il est allé à Zurich, retourné à Zurich. Et là, pendant 3 ans, jusqu'en 1915, il a travaillé comme un fou avec son ami Marcel Grossmann. D'abord pour apprendre ces nouvelles mathématiques. C'était un nouveau continent que les mathématiciens avaient exploré et développé au siècle précédent avec Gauss, Riemann, Lobachevsky, Bolyai. C'était des mathématiques encore en train de se faire. Il a dû étudier des outils récents qui avaient 10 ans, pas plus, avec l'aide de son ami Grossmann, pour apprendre ce que c'était que les espaces courbes. Alors, reprenons. Ça, c'est de rendant à Galilée ce qui lui appartient. Deux objets lâchés de la tour de Pise tombent à la même vitesse. Oui, tombent de là, oui. Donc, on voit très très bien, en tout cas, le tableau. Très bien. Voilà le bonhomme Einstein dans un ascenseur au moment où il est en chute libre. Il a un marteau, il le lâche et le marteau continue avec lui. C'est un petit peu la situation à un moment d'impesanteur que connaissent brièvement les gens qui font des vols justement qui contrarient la gravitation. Exactement, c'est bon. La chute libre, c'est la pesanteur. Apesanteur, oui. On a éliminé la pesanteur. C'est ça. Et évidemment, alors là, est-ce qu'on peut dire, et je me lance et vous corrigez, donc dans un cas, évidemment, il y a un mouvement d'inertie, c'est très abstrait déjà l'inertie, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'un corps est lancé, il va rester en mouvement rectiligne, uniforme, à vitesse constante. Oui. Là, je suis vraiment très très culotté de parler comme ça à une spécialiste de la relativité. Mais vous voyez bien que c'est pour vérifier que je ne dise pas de bêtises et qu'on puisse arriver tous à comprendre, en tout cas, ce point. Et ensuite, évidemment, cet ascenseur va être saisi par la force gravitationnelle. Maintenant, à partir de 1911, oui. Einstein ne parle plus tellement de force gravitationnelle. Oui. Mais des propriétés de l'espace et du temps qu'il identifie à la gravitation. Donc, vous disiez très justement que quand on est loin de tout corps grave, tout corps pesant, le marteau et la pomme vont être en mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante. C'est-à-dire que loin de tout corps, on sera dans la géométrie d'Euclide, ou Euclide-Minkowski, et donc ce seront des parallèles, des lignes qui ne se couperont jamais. Oui. Mais si on fait la même expérience d'un ascenseur qui est près d'un corps très pesant comme la Terre, elles seront à peu près parallèles au début, parce qu'on n'aura pas d'instrument de mesure suffisamment précis, pour voir qu'en fait, ces parallèles, qui devraient être des parallèles, se coupent. Et ça, le fait que ce sont des courbes les plus droites possibles, les plus courtes possibles, mais dans un espace qui n'est plus plat, mais qui est courbe. Et oui, et voilà les géodésiques donc qui apparaissent évidemment à partir de... Une géodésique étant effectivement la courbe la plus longue ou la plus courte dans un espace qui n'est plus plat. C'est ça, qui a une dimension de rotondité, quoi. On peut dire comme ça, en tout cas de courbure, si on veut parler plus exactement. Oui, et la courbure, pour un mathématicien, évidemment, il a fallu 2000 ans pour bien comprendre tout ça, mais pour un mathématicien, vous avez votre espace avec ces objets, et vous définissez la distance entre ces deux objets comme vous le voulez. On n'a plus obligé de dire que c'est le théorème de Pythagore. C'est un libre choix du mathématicien. Oui. Et ça va devenir le libre choix du physicien qu'est Einstein de dire que cette distance entre les deux objets qui vont déterminer la ligne de la plus brève, cette distance-là est conditionnée par la matière, la masse présente dans l'univers. Je vais vous mettre au martyr d'une certaine manière, puisqu'il ne nous reste que 4 minutes, et que je voudrais que vous répondiez à cette première question, Nathalie de Ruel. Évidemment, à partir de là, il faut considérer que cet espace absolu, en tout cas, n'existe vraiment plus, et qu'à l'ordinaire, il y a simplement du vide, et que l'espace, cette fois, quand on parle d'espace, c'est les masses qui sont en présence, qui créent le champ gravitationnel, et donc la courbure d'espace, et donc l'espace. C'est-à-dire que sans matière, il y a que du vide. Oui, sans matière, il reste évidemment des choses un peu moins intéressantes. Enfin, il reste l'espace plat de Minkowski. Et voilà. Et ce sont vraiment les masses qui courbent l'espace-temps, l'univers. Et donc, il faut concevoir maintenant les planètes tournant autour du Soleil comme n'étant non pas attirées par le Soleil par une force, mais comme évoluant librement dans un espace qui est courbé par la présence du Soleil. C'est ça. Et là, la confirmation expérimentale a été donnée. Je vais très vite sur une occultation du Soleil. On s'est rendu compte que, au passage de la périphérie du Soleil, à un moment donné, c'était donc une expérience qui avait été menée par Eddington. On a vu effectivement qu'il y avait cette inflexion et donc qui montrait bien que l'espace était courbe et que les rayons lumineux suivaient cette courbure qui était proportionnelle à la masse de cette étoile qui nous éclaire. Deuxième chose, et là il nous reste qu'une minute, je voudrais simplement que, une minute et demie, on dessine, on rende concret d'un seul coup la relativité générale, puisqu'elle est dans tous nos téléphones portables. On n'a pas de GPS, dans tous les GPS en tout cas, si on n'intègre pas. Alors, le schéma, et je vous laisse tout de suite la parole, c'est qu'il y a des satellites qui battent avec, qui sont équipés d'horloges et qui battent donc des temps. Et puis, voilà le GPS qui va, lui, nous permettre de calculer des temps et des positions, surtout. Oui, ça c'est la preuve vraiment quotidienne que Einstein avait vue juste il y a 100 ans. Que cet énorme édifice mathématique qui avait 2000 ans, disons, de passé derrière lui, eh bien, a des applications tout à fait concrètes. Et qu'effectivement, comme vous le dites, on ne pourrait pas circuler en voiture sans utiliser les équations G mu nu égale T mu nu d'Albert Einstein de novembre 1915. Parce que les horloges dans les satellites et les horloges au bord de nos voitures ne battent pas de la même façon parce qu'elles sont en mouvement relatif. Et parce que le champ de gravitation de la Terre est plus fort dans notre voiture que dans les satellites. Et que le temps propre dans ces satellites est évidemment tout à fait différent. Et donc il faut ajuster... Tout à fait différent, à quelques milliardièmes de secondes près à cette échelle-là. Mais quand on s'approche d'un trou noir, il y en a un au centre de notre galaxie. À ce moment-là, ces distorsions dans le temps et dans l'espace deviennent énormes. La marge d'erreur, en tout cas, si on réajustait pas en tenant compte de cet effet de relativité générale, il y aurait une marge d'erreur de 15 mètres, 20 mètres très rapidement sur le GPS, par exemple. Tout à fait. Donc il faut en... bien évidemment, réguler les choses par rapport à ces battements de temps qui sont différents avec des temps propres dans les satellites et sur la Terre pour arriver à avoir un positionnement exact. Tout à fait. Magique ? Magique. Non ? Oui. Et donc, 100 ans de grand succès, la relativité générale jusqu'à présent et la théorie qui décrit la gravitation dans ses plus détails les plus fins. Bien sûr, il reste encore quelques mystères, en particulier en cosmologie. Et c'est peut-être de là que viendra la nouvelle théorie de la gravitation, qui peut-être aussi pourra être unifiée avec l'autre pilier du XXe siècle, à savoir la mécanique quantique. Eh oui, c'est ça l'affaire, là, de savoir si on peut quantifier cet immense appareil géométrique qui décrit si bien l'organisation de l'univers et de son espace-temps lié, c'est bien ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Est-ce que par exemple vous partagez avec moi l'idée que c'est quand même très beau quand on rentre dans le détail, cette affaire de relativité générale tout à fait contre-intuitive, mais que ça vaut le coup d'essayer de s'y mettre avec des livres de vulgarisation, parce que c'est une espèce de monument qui a été établi par l'esprit humain? Écoutez, moi, j'ai consacré ma vie professionnelle à ce monument Et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas trouvé cette théorie absolument magnifique. Et en plus, qui trace, comme je disais au début, de nouveaux chemins dans ce monde des phénomènes qui nous entoure, des phénomènes, des chemins intelligibles, qui en plus sont utiles. On a parlé de GPS. Et j'espère qu'effectivement, nous serons nombreux à pouvoir populariser tout cela. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je ne peux que conseiller la lecture du livre de Nathalie de Ruel, de Pythagore à Einstein, avec comme sous-titre La Relativité Générale, 25 siècles d'histoire. C'est publié aux éditions Belin. Et nous, c'était Continent Science, notre avant-dernier rendez-vous de l'année. Je vous souhaite donc directement à vous, Nathalie de Ruel, de bonnes fêtes. Et bien sûr à tous les auditeurs, de la même façon, merci aussi à nos auditeurs de leur attention et de leur fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenues. À la technique aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan, pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation, bien sûr, d'Annie Journeau. Stéphane Delis-Georges, Continent Science et balado diffusé. Vous pouvez donc nous réécouter, soit en nous téléchargeant cela pendant une grande année, et nous écouter pendant 1000 jours.